Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier les gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup également aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie, en Ontario. Il y a également Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission, et si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec la deuxième heure, deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. On va commencer ça avec un peu de dance, soit M. Flo, le Flo Franco, qui organise souvent des soirées haute vibration. Différentes musiques, différents styles de musique, et c'est très intéressant. Donc, on va l'écouter avec Sans raison. Par la suite, on va écouter Marie-Claude, qui était au Festival franco-ontarien tout récemment, et qui s'en va du côté des rencontres qui chantent, là, du côté de Petite-Vallée, voilà, pour suivre des ateliers d'écriture de chansons et composer des nouvelles tunes, sûrement. Une petite parenthèse pour Marie-Claude. Apparemment que, bon, j'ai appris qu'elle aurait été choisie à France d'amour pour la publicité de Aero. Bravo pour elle. Voici Sans raison, Flo Franco. Femme responsable, indépendante, elle est que tu es admirable. De loin, comme de près, vacances à l'oubli. Le temps qui te consume, jeunesse perdue. Souvenir qui s'allume, libre confort. L'absence de la déprime, présent remords. L'enfer est intime, air de fatigue. Sans fin sont les problèmes, toutes ces migraines. Sans gêne, un nouveau thème. Étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des quatre saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. Un cœur qui vibre, qui se délivre, fait place au plaisir. j'adore. Les sabliers, c'est cool. Si on reste ici, notre univers s'écroulera. Secoue-moi dans un tourbillon de toi. Oh, yeah. Daniel Groslot et Champ Lunaire, et lui aussi s'en va du côté de Petite-Vallée pour des ateliers d'écriture de chansons. Daniel Groslot, Landry et Marie-Claude et faisait partie avec Kiris, qu'on a entendu tantôt, de Rond-Point 4. Donc c'était une belle année. Il y avait aussi Rachel Barber qui était de la partie. Donc, bravo à Daniel Groslot-Landry et puis Marie-Claude. Et je vous souhaite une bonne série d'ateliers d'écriture de chansons. Petite-Vallée, c'est toujours très intéressant, très inspirant pour les artistes qui y participent. Maintenant, on est rendu à notre bloc instrumental. Et aujourd'hui, deux jazz women, deux pianistes de style un peu différent quand même, mais et de générations différentes, mais quand même de très bons artistes, de très bonnes compositrices jazz. On va y aller avec celle qui est la révélation jazz ici Radio-Canada 2018, Gentiane, avec son groupe Gentiane MG Trio. On va entendre Eternal Cycle. Et par la suite, on va aller du côté de Winnipeg avec Michel Grégoire, qui, elle, va nous offrir Dichotomie de son album Diversity.